encore des regards de citoyens fantômes qui planent dans les rues barricadées. Et ces soldats et leur parfum de méfiance circulent dans leurs caisses sophistiquées. Ce soir sur terre, dans un instant, qui se renverse lentement, nos pas s'éclairent au fil du temps, dans ce désert ou ce volcan. Ce soir sur terre, dans un instant, l'éclair en scène croit plus vraiment, ces marionnettes font la fête, et ils se prennent pour des géants. Contact sidéral, et cette horloge qui court comme le diable, et les pieds qui avancent dans ce nuage cybernétique. Des tentacules et des armes chimiques que l'on mange nous poussent vers un exode apocalyptique. Non, non, non, non. Ce soir sur terre, dans un instant, dans un miroir, le kamikaze aura toujours son heure de gloire. Et dans l'espace, où que l'on se déplace, on sera toujours au centre du milieu, mais du milieu.